La paire. Ce qui compte pour être bien chez soi, c'est que du début d'un projet... Qu'est-ce que vous me conseillez ? Jusqu'à la fin, l'on soit toujours bien accompagné. C'est terminé, madame. Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Conseils, ateliers, livraison, pause, La paire vous accompagne dans tous vos projets. La paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Le 15 décembre 1821, à l'Hôtel de Ville de Paris est fondée la Société de Géographie. Lisons l'acte de naissance. La société est instituée pour concourir au progrès de la géographie. Elle fait entreprendre des voyages dans les contrées inconnues. Ça fait rêver. Elle propose et décerne des prix, établit des correspondances avec les sociétés savantes, les voyageurs, les géographes, publie des relations inédites ainsi que des ouvrages et fait graver des cartes. Quel beau programme ! Remarquez, nous parlons de la Société de Géographie et pas de la Société Française de Géographie, tout simplement parce que cette institution est universelle. Jean-Robert Pic, bonjour. Bonjour. 1821 naît la Société de Géographie. Pourquoi 1821? Pourquoi à ce moment-là, dans l'histoire de la pensée, certaines personnes, certains savants se sont dit qu'il faut mettre en place une institution? Alors en fait, elle aurait pu naître plus tôt, comme d'autres sociétés savantes dans d'autres disciplines scientifiques. À la fin du XVIIIe siècle, les trois derniers rois Bourbon de l'Ancien Régime étaient des fous de géographie, de cartographie, de voyage. Vous savez, il y a cette fameuse phrase fausse, mais tellement belle, Louis XVI montant à l'échafaud, attend des nouvelles de Monsieur de La Pérouse, mais qui montre quand même un véritable intérêt, depuis Louis XIV et même ses prédécesseurs, pour la géographie, il y a la cartographie, le cadastre, les plans reliefs, plein de choses. Bon, ça ne s'est pas fait, il y avait un géographe du roi, il y avait les Cassini qui ont fait des cartes, etc. Ensuite vient Napoléon, enfin Bonaparte d'abord, et c'est là où naît l'idée d'une société de géographie avec l'expédition d'Égypte. Il a quand même pratiquement 170 savants qui viennent avec lui et qui n'ont aucune mission militaire, mais la mission de faire la description de l'Égypte. Et pendant 30 ans, on va vivre, Edme François Jomard, qui est un de nos fondateurs, la Société de Géographie, va publier tout ce qu'il peut sur l'Égypte, et c'est une œuvre scientifique incroyable. Et d'ailleurs, ça traîne un petit peu. Napoléon dit quelque part, il faudrait quand même créer à Paris un lieu où on rassemblerait toutes les connaissances géographiques et tous les savants qui pourraient nous renseigner sur les diverses parties du monde, mais la société ne naît pas. Et finalement, il faut attendre les vétérans de l'expédition d'Égypte et puis d'autres, comme Chateaubriand, excusez du peu, comme Alexandre Humboldt, qui habite Paris à ce moment-là, décident de se réunir, ils sont 250 à peu près, et de créer la Société de Géographie. Comme c'est la première au monde, il n'y en a pas d'autre, c'est pourquoi elle n'est pas française. Alors effectivement, elle a une vocation universelle, mais on est très fiers de ne pas s'appeler Société Française de Géographie, alors que les autres sont Royal, sont allemandes ou de Washington, ou de Tokyo. Voilà, l'histoire. C'est un moment particulier, hein, 1821, ce moment où, après l'épisode napoléonien, eh bien, quelques hommes, principalement des hommes, hein, arrivent à mettre en place cette institution. Jean-Robert Pitt, vous êtes professeur émérite de géographie et d'aménagement à l'Université Paris-Sorbonne, que vous avez présidé, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, et puis vous présidez cette Société de Géographie, car il faut le dire et le redire sans cesse, la société existe toujours, bien sûr, et est toujours très active. Oui, alors on a la chance d'exister. Après, comme toutes les sociétés savantes, bien des vicissitudes. On a une chance sur le plan matériel, c'est de posséder un immeuble qui a été construit en 1878 et que nous conservons et qui nous permet de vivre, parce qu'évidemment on en loue une partie, mais beaucoup de sociétés disparaissent faute de moyens, et puis toujours le renouvellement dans les sociétés de bénévoles est compliqué, le renouvellement des dirigeants. Mais là, les choses se passent bien et surtout nous avons peut-être un nouveau but par rapport aux périodes précédentes où on explorait le monde, où on découvrait le monde, où on le décrivait, on publiait des cartes, etc., on encourageait les explorations, c'est de faire aimer le savoir géographique. Il y a un déficit d'amour de la géographie dans notre pays et peut-être un peu dans le monde, et le mot géographie fait peur. On a commandé un sondage IFOP pour ce bicentenaire qui est un tout petit peu accablant quand même, et en particulier auprès des jeunes. Donc notre mission, ça n'est pas de faire de la recherche géographique de première main. Ça, il y a les universités, il y a des laboratoires pour ça, il y a le CNRS, mais c'est de faire aimer la géographie au plus large public possible et à nos élites aussi, qui souvent ont une vision très très décalée de la géographie et pas très claire. Donc voilà, nous servons à cela. Et d'ailleurs, ça permet de rappeler ce qu'est la géographie. Parce que c'est vrai que dans un cliché absolument détestable, c'est apprendre la liste des préfectures et des sous-préfectures. Mais c'est utile. C'est utile. Je suis bien d'accord. Mais ce n'est pas que ça. Et ça fait rêver. Il y a des noms magnifiques de sous-préfectures que personne ne connaît. Non, mon maître Xavier de Planol disait « La géographie, c'est tout simple. Elle cherche à expliquer pourquoi les choses sont ici et pas à côté. Donc les choses, ce sont des objets matériels, des montagnes, des fleuves, des villes, des usines, des ponts, etc., mais aussi des idées, mais aussi de l'immatériel, mais aussi des représentations, c'est-à-dire un regard porté sur l'environnement de la part des hommes. Ce sont des expressions artistiques qui varient d'une civilisation et d'un lieu à l'autre. Donc nous nous intéressons à tout, les historiens, ce qui est dans le temps, et nous, ce qui est dans l'espace. Donner le goût de la géographie, c'est une mission de la Société de Géographie, sur France Culture aussi, hein, l'émission Géographie à la carte. Ah oui, et oui, tous les jeudis, 21h, 22h, quand très on heureux, l'a fait. Très très heureux de cette émission, oui. C'est très important. Ah, c'est important, mais c'est pas facile dans les médias. Alors, sur les chaînes de télévision, publiques ou privées, il y a énormément d'émissions qui parlent de géographie. Je suis pas des trains pas comme les autres, faut pas rêver, etc. C'est de la géographie, avec des journalistes qui parfois ont beaucoup beaucoup de talent, et de talent pour déceler des choses et faire remarquer, à partir des images, des choses aux téléspectateurs qu'ils n'auraient pas vues autrement. Donc moi, j'aime beaucoup ces émissions. Elles sont inégales, hein, bien sûr, mais c'est formidable. Sauf qu'il n'y a jamais le mot géographie dedans. Et qu'il est rarissime que les géographes soient invités à ces émissions. Donc les géographes sont invités, au moins on le sait, sur France Culture, Géographie à la carte, et aussi dans le cours de l'histoire. Bien justement avec nous aujourd'hui, Christian Grataloup, bonjour. Bonjour Xavier Mauduit. Alors, bonjour Christian, Robert. Bonjour. Christian Grataloup, géo-historien, disons-le, professeur émérite à l'Université de Paris. Et justement, dans cette réflexion autour de la géographie, de la place de la géographie, le mot fait peur de géographie. Qu'est-ce que la géographie? 1821, quand la Société de Géographie est fondée, que signifiait ce mot géographie? Les contemporains imaginaient quoi quand on leur parlait de géographie? Alors Christian Grataloup, ouais, c'est répondu. Pensez d'abord à de la cartographie. C'est les géographes du roi, les géographes ordinaires du roi dans l'Ancien Régime, sont des cartographes. Donc c'est la première fonction, et les cartographes sont souvent également des astronomes. Donc la géographie, c'est ce qu'on appelle souvent la géographie mathématique, c'est-à-dire des questions très techniques. Des questions très techniques, effectivement, de géographie et questions techniques. La technique de France Culture arrive à corriger les problèmes que nous posent parfois les liaisons à distance. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, Jean-Robert Pitt, hein, que nous évoquons ces questions de géographie et d'histoire de la géographie, de nous arrêter sur l'évolution même de la notion du mot, tel que aujourd'hui nous concevons la géographie, tel qu'en 1821, au moment de la fondation de la Société de Géographie, les contemporains imaginaient ce que c'était. La géographie n'est pas la même chose, au sens qu'en 1821, le savoir est à construire. C'est pas la même chose dans l'Antiquité aussi. Le mot date de l'Antiquité grecque, et le savoir évolue parce qu'il s'accumule et il grossit, il enfle. Mais en réalité, c'est toujours la même chose. Écrire la Terre, c'est notre métier. À nous géographes, simplement, on ne l'écrit pas de la même façon. On a beaucoup plus d'instruments. On a beaucoup plus aussi d'instruments pour connaître le fond des choses. Par exemple, je sais pas, l'imagerie satellitale a fait d'énormes progrès, et on voit, grâce aux images prises par les satellites, des choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, qu'on ne peut pas voir sur une photo aérienne, et qui permettent des cartographies très très fines, je sais pas, dans le domaine de la végétation, dans le domaine des sols, dans le domaine de l'agriculture, qui sont extraordinaires. Aujourd'hui, on utilise ces images aussi pour planter du blé ou planter de la betterave. Et le géographe a des choses à dire là-dessus, puisque nous expliquons, encore encore une fois, la répartition des phénomènes, quels qu'ils soient, et avec les frontières entre ces phénomènes, plus des frontières qui parfois sont très strictes, très bien tracées, parfois très floues, mais on cherche à comprendre pourquoi ces frontières. Les frontières, c'est un des objets majeurs de la science géographique. On a des grands spécialistes, enfin Christian Grataloup a beaucoup écrit sur les frontières, mais on a Michel Fouché aussi, qui a été un diplomate et au responsable au ministère des Affaires étrangères, qui est un vrai spécialiste des frontières. On a toute l'équipe des géopoliticiens, une branche de la discipline qui n'était pas très à la mode jusque dans les années 80, 90. Et puis, on a notre collègue Yves Lacoste et toute son équipe d'Hérodote qui a remis à l'honneur le savoir géopolitique et heureusement. Yves Lacoste qui a mis à l'honneur le savoir géopolitique. C'est vrai que nous avons ici une vraie réflexion autour de ce qu'est la géographie et du pourquoi. Parce qu'il y a toujours cette question du pourquoi, à quoi sert la géographie. Yves Lacoste. Monsieur Lacoste, dans ce qu'il écrit, montre à quel point d'abord la cartographie du monde et comment elle s'est faite. C'est tout à fait passionnant. Et les inégalités très grandes dans la couverture cartographique. Absolument. Et je voudrais dire une chose qui me paraît capitale, c'est que nous, en France, nous pouvons acheter des cartes de géographie à grande échelle, c'est-à-dire en faisant avec beaucoup de détails des espaces réduits, aux 50 millièmes, aux 25 millièmes, tout à fait librement. Hein. Nous voulons faire une promenade en forêt. Et de belles cartes, d'ailleurs. Pardon ? Et de belles cartes. Et de très, très belles cartes. Mais il faut bien se rendre compte que cela n'est pas du tout un phénomène général. Et à l'heure actuelle, le libre accès à la carte, la vente libre des cartes, c'est ce que je pourrais appeler vraiment une des caractéristiques des démocraties libérales. Vous montrez à quel point un pays passe d'un régime à un autre le jour où les cartes deviennent interdites. Et dans la plupart des États, dans la plupart des États à la surface du globe, les cartes sont sous le contrôle pour l'usage exclusif de l'armée, de la police, de l'appareil d'État. C'est très intéressant ce que dit Yves Lacoste, c'était en 1980, à quoi servent les géographes. Carte, démocratie, il y a quelque chose comme un lien, il n'est pas possible dans une dictature d'avoir accès aux cartes. Donc, dans l'histoire de la société de géographie, il y a ça aussi. Il y a cette volonté de diffuser le savoir. Enfin, elles sont restées quand même l'apanage, voire le monopole de l'armée pendant très longtemps. On parlait encore, même quand j'étais étudiant, on utilisait volontiers encore l'expression, pas tellement nos profs, mais dans le grand public, la carte d'état-major. On disait, on allait acheter une carte au 50 millième à l'IGN, et l'IGN, l'Institut Géographique National, dépendait du ministère de la Défense ou des armées à l'époque. Bon, maintenant, c'est terminé. Et c'est vrai que la mise à disposition du savoir géographique du plus grand nombre, ça, c'est un élément de la démocratie. Je fréquente pas mal la Corée. La différence entre le savoir géographique en Corée du Sud et en Corée du Nord est colossale. Il n'y a pas de carte de Corée du Nord. On a des images satellitales, mais il n'y a pas de carte parce que le gouvernement les garde pour lui. Je crois qu'en Russie, ce n'est pas si facile que ça d'obtenir des cartes à grande échelle. Donc, mais il n'y a pas que la carte. Hein. En fait, on est en mesure aujourd'hui avec la masse gigantesque d'informations qui nous arrivent, d'informations d'ordre géographique, de comprendre, de décrire le monde, donc décrire la Terre, c'est l'objet de la géographie, mais de le comprendre, encore une fois, pourquoi les choses varient dans l'espace. Hein, pourquoi il y a plus de monde ici et moins là, pourquoi il y a du blé ici, de la vigne là, pourquoi il y a une ville et il y a un désert. Donc on fait appel à toutes les branches du savoir. Alors on va dire, oui, mais vous êtes trop ambitieux, les géographes, vous êtes attrape-tout, mais pas plus que les historiens. Les historiens s'intéressent aussi au climat, à la population, à la mort, à l'argent, au sexe. Mais comme nous, on a rien ne doit nous arrêter, ni les historiens, ni les géographes, ni les sociologues, ni les ethnologues. On a simplement tous les uns et les autres des regards différents ou des intérêts différents sur le même objet que l'homme à la surface de la Terre, hein, l'humanité à la surface de la Terre. Et puis, on doit regarder dans l'assiette du voisin, parce que sinon on ne peut pas comprendre. Je recommande aux historiens, je crois que vous êtes historien de formation, me semble-t-il, et c'est pas du tout un péché, de regarder dans l'assiette des géographes, et à nous de regarder dans l'assiette des historiens. Il se trouve que Christian Grataloup, qui va nous rejoindre, j'espère, et moi-même, sommes des fervents partisans de la complicité liée, amoureuse, entre la géographie et l'histoire. On ne peut pas faire de bonne géographie sans culture historique, et vice-versa, les historiens devraient bien faire des cartes. Il y a parfois des livres d'histoire qui me passionnent, et je me dis, mais bon sang, pourquoi est-ce que cet auteur n'a pas mis une carte ou deux ici, non pas pour localiser telle ville, etc., mais du phénomène qu'il décrit, qui peut se cartographier. Il y a toutes les sources, et c'est un bonheur de rentrer dans une réalité historique par le biais de l'espace. D'ailleurs, Christian Grataloup, qui va nous rejoindre effectivement avec ses atlas, atlas historiques, fait une œuvre sublime pour la compréhension du passé à travers les cartes. Mais en 1821, quand la Société de Géographie est fondée, Jean-Robert Pitt, il y a aussi la nécessité de connaître l'ailleurs. Juste ça, parce que l'ailleurs est à découvrir. Alors, évidemment, quand en 1821... dont je rappelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais que c'est l'année de la mort de Napoléon, que nous fêtons le bicentenaire aussi de la mort de Napoléon. Malheureusement, il n'a pas vu naître la Société de Géographie, puisqu'il est mort au printemps et que la Société a été créée à la fin de l'année, en décembre. Je ferme cette parenthèse. Mais enfin, là où il était, il a dû être content de voir qu'enfin la géographie émergeait sur le plan institutionnel. Mais à l'époque, en 1821... Il y a déjà des cartes très très bien faites, en particulier c'est les contours des continents. Je vous rappelle que la France a joué un très grand rôle. Enfin, la France est le territoire français, puisque la première carte du Nouveau Monde a été faite à Saint-Dié-des-Vosges, hein, par le gymnase vosgien, Val-de-Musset et Vautrin-Lude, et le contour en 1507, le contour de l'Amérique est extraordinaire, surtout la partie atlantique. Mais déjà on voit quelque chose qui ressemble un peu à la côte pacifique, ce qui est extraordinaire, 8 ans, 9 ans après la Christophe Colomb. Non, un peu plus, ça fait 15 ans après Christophe Colomb. Je ferme cette parenthèse. En tout cas, donc, en 1821, les cartes abondantes, hein, il y a beaucoup de planisphères, d'atlas qui sont publiés, sont pleines de blancs. L'Afrique est blanche, une grande partie de l'Asie est blanche, une partie de l'Amérique du Sud, même si Humboldt a beaucoup travaillé, est blanche. Et donc le travail de la Société de Géographie va être de combler le blanc des cartes. D'où, par exemple, je pense à ce premier événement, un des premiers explorateurs que la Société de Géographie mandate et encourage à découvrir l'Afrique, c'est René Caillé, tout le monde se bat, en particulier les Anglais et les Français, pour arriver les premiers à Tombouctou, qu'on croit être une ville ruisselante d'or, de diamants, etc. Et René Caillé, après bien des efforts et bien des subterfuges, réussit à parvenir à Tombouctou, à revenir par le Sahara et à être sauvé par le consul de France à Tanger, qui par hasard est un des fondateurs de la Société de Géographie, de la Porte, et ramène cette description de Tombouctou qui est exacte, rigoureuse et formidable. Il reçoit la grande médaille d'or et de l'argent, et les géographes sont très très heureux d'avoir encouragé René Caillé. Mais on l'a fait pour des quantités d'autres gens. Alors il y a les explorations à but un peu militaire, je pense. Nous venons d'hériter à la Société de Géographie de toutes les archives, photos, objets, fusils, etc. de l'expédition Fourreau-Lamy, qui dormait dans un garage des descendants de Fourreau, et qui nous ont apporté des cantines entières d'objets inimaginables. Et on voit là, au travers de ces documents qu'on est en train d'exploiter, ce lien entre géographie, exploration, mais aussi bien sûr conquête militaire et colonisation. Hein, les choses ne peuvent pas être séparées dans la deuxième partie du 19e. On ne peut pas, c'est vrai, séparer colonisation et géographie au 19e, mais géographie et politique. L'expédition Fourreau-Lamy, hein, c'est cette expédition qui traverse le Sahara complètement. Lamy en mourra d'ailleurs au cours de cette expédition. L'expédition qui traverse le Sahara, vous avez évoqué, Jean-Robert Pitt, les liens entre colonisation et puis géographie à la fin du 19e et puis encore évidemment durant tout le 20e siècle. Nous parlons de l'expédition, la mission Fourreau-Lamy, il y en a d'autres. Braza était membre de la Société de Géographie. On a hérité d'un certain nombre de documents de Braza. Alors, bon, je pense qu'en France, on en est à vouloir déboulonner les statues de Braza. Il faut savoir qu'il est vénéré à Brazzaville, qu'il est enterré au cœur de Brazzaville, dans un immense mausolée, au cœur de la ville, dans un parc, et que nos amis congolais ne sont pas du tout choqués de vénérer la mémoire de Braza. Et dans les actualités françaises, en 1952, alors là, non plus pas question d'abîmer la mémoire de Braza. À bord de tous les bâtiments et part sur toutes les mers, le même jour, à la même heure, la marine française a salué le souvenir de Pierre Savorgnan de Braza, qui naquit voici juste un siècle. En même temps, au cimetière d'Alger, M. Léonard, gouverneur général de l'Algérie, est allé fleurir la tombe de ce fondateur d'empire. Savorgnan de Brazza fut l'un des pionniers qui, au dernier siècle, ouvrirent les routes de l'Afrique noire. En deux voyages d'exploration, remontant le cours de l'Ogoué, il parvenait en 1880 sur les bords du Congo et y plantait le pavillon français, créant sur son passage deux villes d'avenir, Franceville et Brazzaville. Quelles furent les difficultés, les souffrances même de Brazza et de sa maigre escorte au milieu des surprises et des dangers de la forêt vierge, qui le sait aujourd'hui? Mais quelle joie dut être pour le conquérant pacifique de découvrir un jour la masse tumultueuse du grand fleuve noir, but de cette course insensée où il luttait de vitesse avec Stanley et qui donnait à la France un territoire immense. Partout sur son passage, Brazza sut forcer l'amitié des populations qui lui avaient décerné le titre de père des esclaves. Et c'est de lui-même que le roi Makoko fit entre ses mains cession de ses droits souverains à la France. Depuis, la présence française n'a cessé de transformer le pays. Des routes percent la forêt, des ponts sautent des rapides, des villes modernes sont nées, et Brazzaville est aujourd'hui le plus bel hommage à celui qui donna un empire à la France sans tirer un coup de fusil. Quel document de propagande, le journal des actualités françaises en 1952. On a tout. Propagande pour la géographie. Pour la géographie et puis pour l'Empire français avec une relecture en fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant d'analyser en fait ce phénomène. Combien la société de géographie a été utilisée pour la colonisation. Jean-Robert Pitt, dans le cas de Brazza, Brazza n'est pas une démarche d'aller coloniser. Lui, il a une démarche d'aller explorer. Et après, il y a un autre mouvement. C'est les deux. On ne peut pas séparer les deux. Il y a aussi au 19e et dans les siècles précédents aussi, une démarche commerciale aussi. Et une démarche religieuse. Souvent, les missionnaires accompagnent. Bah, par exemple, si on étudie l'histoire de la géographie faite par les Espagnols ou par les Portugais, elle est faite en grande partie par des jésuites, par des missionnaires qui accompagnent les conquistadors. Donc, on ne peut pas séparer la partie scientifique de la partie politique, de la partie religieuse, de la partie économique. Tout ça est lié, c'est la réalité de notre vie, de nos sociétés humaines. Alors, ce document magnifique qu'on vient d'entendre peut faire sourire. Évidemment, il faut l'analyser avec un regard critique et nuancé, etc. Mais tout de même, il y a une partie qui est totalement authentique et il n'y a aucune raison d'avoir honte de ça. Encore une fois, je le répète, Brazza est vénéré au Congo Brazzaville, puisqu'il a été enterré à Alger, mais ensuite sa dépouille a été transférée à Brazzaville. Beaucoup de géographes du 19e siècle, Dumont d'Urville, il y a aussi les navigateurs qui ont joué un très très grand rôle et qui ont fait un travail magnifique de connaissance. Et en même temps, évidemment, ça a servi, on plante un drapeau et on dit c'est chez nous, c'est la France. Et justement, cela fait partie aussi de l'histoire de la société de géographie, mais pas que. Dans les origines de cette société de géographie, il y a la volonté, nous l'avons rappelé tout à l'heure, de donner l'envie d'aller connaître le monde, de soutenir des projets, des explorations, entre autres. Je vous propose d'écouter l'extrait du premier bulletin de la société de géographie, une lecture de Daniel Königsberg, qui nous explique en quoi le projet était, j'ose le dire, construit et presque révolutionnaire au sens où il allait donner l'envie. Il s'est formé un grand nombre de sociétés destinées à accélérer les progrès des sciences, mais jusqu'ici, il n'a existé aucune association qui ait pour unique but la connaissance du globe que nous habitons, qui ait voulu appeler les hommes éclairés de toutes les nations à concourir par leurs travaux et leurs richesses au perfectionnement des sciences géographiques, si intimement liées à l'avancement de toutes les autres sciences, au progrès de la civilisation, à l'anéantissement de toutes les haines, de toutes les rivalités nationales et à l'amélioration des destinées de l'espèce humaine. Article 1er. La société est instituée pour concourir au progrès de la géographie. Elle fait entreprendre des voyages dans les contrées inconnues. Elle propose et décerne des prix. Établit une correspondance avec les sociétés savantes, les voyageurs et les géographes. Publie des relations inédites ainsi que des ouvrages et fait graver des cartes. Le bulletin de la Société de géographie de Paris en 1822 présente la société qui a été fondée l'année précédente, mais en vérité, vu qu'on est en décembre, c'était juste avant. Christian Grataloup, en quoi ce moment, 1821-1822, la mise en place d'une institution, la Société de géographie, est une étape essentielle dans l'histoire de la discipline même, géographie? Allô. Alors, Christian Grataloup, nous avons du mal à communiquer, mais nous voulons communiquer avec vous parce que vos travaux nous semblent à chaque fois essentiels. La distance existe. Hein. La distance existe. Je vous demandais en quoi la Société de géographie est un moment essentiel de l'histoire de la discipline. C'est le moment où elle se cristallise, on pourrait dire. C'est ce qu'elle va contribuer à faire au XIXe siècle, où la cartographie, le récit de voyage, qui est effectivement très très importante, la maîtrise des territoires en Europe et ailleurs, la réflexion sur la façon dont on peut penser le monde, le découper, l'organiser, va petit à petit former quelque chose qu'on va appeler une discipline qui est la géographie. Donc les mots qui recouvraient la géographie pouvaient être assez différents au XVIIIe siècle, essentiellement cartographiques, et au contraire, on a quelque chose qui devient largement un récit et une explication du monde sur la Terre, qui va devenir effectivement une discipline au sens scolaire et universitaire du terme. Donc cette mutation, c'est ce qu'accompagne dans une vision du grand public, dans une vision libérale, les sociétés de géographie qui se constituent sur le modèle de la société fondée à Paris. Oui, parce qu'il faut le rappeler, il n'y a pas qu'une société de géographie. Il y a la société de géographie, celle qui est fondée en 1821, mais partout en France et partout dans le monde, Jean-Bert Pitt, il y a des gens qui se réunissent. Alors, dans le courant du 19e siècle, s'ouvrent les sociétés de géographie dans toutes les villes d'Europe, puis en Amérique, puis en Asie, et même en Afrique, puisqu'il y aura une société de géographie d'Alger, qui a disparu, hélas. Et puis, en France, il y a jusqu'à 25 sociétés de géographie, dont la plupart, malheureusement, ont mis la clé sous le paillasson. Reste celle de Paris. Alors, il y a celle de Rochefort, mais qui a une vocation plus littéraire et plus générale, qui est active. Et les autres, parfois, conservent une conférence de temps en temps, mais il n'y a plus cet engouement qu'il y a eu au XIXe siècle pour le savoir géographique, la constitution de cartothèques, la constitution de bibliothèques d'ordre géographique. Avec du beau monde, dans l'histoire de la Société de géographie, c'est ça qui nous surprend toujours quand nous lisons les membres, le nom de ces personnes. Alors, on a eu Chateaubriand, par exemple, qui a été notre troisième président. Au XIXe siècle, les présidents changeaient tous les ans, jusqu'en 1880. Chateaubriand, excusez du peu, on a eu Guizot, on a eu des gens comme Alexandre de Humboldt en 1842, je crois, qui a été président un an, mais qui était fondateur, comme Chateaubriand, de la société. Et Chateaubriand, on pense à lui comme grand auteur, mais quand il devient président, il est ministre des Affaires étrangères. Et c'est déjà un des écrivains les plus connus de France. Donc ça, c'est ce que vous appelez le beau monde. Et à la fin du 19e siècle, on a Ferdinand de Lesseps. Et le congrès constitutif du futur canal de Panama s'est tenu à la Société de géographie. On a au début du 20e siècle, il meurt en 1925, mais il est resté 12 ans ou 13 ans président, le prince Roland Bonaparte, qui a une immense fortune, qu'il ne tient pas d'ailleurs de ses ancêtres Bonaparte, mais qu'il tient de son épouse qui est la mère de Marie Bonaparte, la grande psychanalyste, et qui, elle, est héritière des casinos de Monte-Carlo. Et donc, avec cet argent, elle meurt vite, et avec cet argent, le prince reste célibataire et fait construire un immense hôtel particulier à Paris, qui est l'hôtel Shangri-La aujourd'hui, et se constitue la plus belle bibliothèque géographique du monde. Il achète dans les ventes tout ce qui passe, en atlas, en cartes, en documents. Il finance des expéditions, il voyage lui-même et il reste président pendant cette douzaine d'années où il fait un bien fou à la Société de géographie et il lui lègue toutes ses collections à sa mort, ce qui est gentil. Ce qui est gentil. De sa part. Bah oui. Et puis, ce qui donne tout de suite au lieu un attrait encore plus grand par cette accumulation de documents. Mais la Société de géographie, en tant qu'institution, gagne en ce qu'elle est un lieu aussi, un lieu de rencontre. Jean-Robert Pitt, vous présidez cette société de géographie. Je vous propose de faire un petit tour en arrière. Nous étions en 1961. Sous l'œil de la Pérouse, chaque mois, se réunissent des gens que généralement on ne rencontre pas à Paris. Ils sont au Mato Grosso, au Tibet, en Terra Deli, au Tanezroft. À chacun de leurs passages, ils se retrouvent, s'interrogent, se racontent un peu. Gardinier vient de parcourir le Hogar. Monsieur et Madame Villaret arrivent d'Océanie. André Lyotard est allé au pôle sud. Jacques et Betty Villeminot ont appris à lancer le boomerang avec les papous d'Australie centrale. Et, un peu plus loin, Bertrand Flornoy rêve des sources de l'Amazone. Sortons sur la pointe des pieds. Plus secret toujours. Top secret même. Là, nous sommes dans un repère de flibustier. Signe distinctif, un vieux doublon d'Espagne. Les plans des châteaux en ruine, les rébus laissés par les capitaines d'aventure, les testaments de Vinette écrits par des ancêtres cachotiers sont le thème de leur discussion. On tire des plans sur la baie de Vigo et l'île de la Tortue. Un décor d'Edgar Poe, des personnages de Mac Orlan. Ne me demandez rien de plus. C'est secret. C'est secret. Le club des explorateurs de la Société de Géographie, présenté en 1961 à la télévision française, 1961, la Société de Géographie avait 140 ans. Alors, Jean-Robert Pitt, le club des explorateurs, il y a ça aussi dans l'histoire de la Société de Géographie, c'est le rêve, c'est l'imaginaire, c'est combien la géographie a porté au 19e siècle, encore au 20e et aujourd'hui encore, quelque chose qui fait rêver. Oui, bien sûr. Voyager fait rêver. Même aujourd'hui, où on a l'impression que tout est connu, qu'il n'y a plus de mystère à la surface de la Terre, en réalité, il y en a beaucoup, beaucoup dans tous les domaines du savoir géographique, mais ça fait, semble-t-il, un peu moins rêver sous l'appellation géographie, mais la connaissance du monde continue à faire rêver. Les gens sont fous de voyage. On voit bien combien ils ont souffert pendant cette pandémie de ne pas pouvoir sortir de leur quartier, de faire un kilomètre par jour à pied. Ça les a fait beaucoup souffrir parce que les Français adorent voyager. On a bien vu cet été, ils ont voyagé en France, mais les trains étaient pleins, tous les lieux de vacances, campagne, montagne, mer, étaient archi pleins. Les gens adorent voyager. En tout cas, c'est très français. Alors, à la Société de Géographie, on a eu des gens qui ont aidé à faire rêver autour de ça. Je pense à Élisée Reclus, au 19e siècle, et pratiquement contemporain, un peu avant, Jules Verne, qui a été un membre, tous les deux ont été des membres éminents de la Société de Géographie et nous ont légué un certain nombre de manuscrits, de documents, de souvenirs. Jules Verne était venait à toutes les réunions de la Société de Géographie et quand il habitait Amiens, sa femme lui dit « mais tu devrais plutôt habiter Paris parce que tu es toujours fourré à la Société de Géographie ». Et même ma génération, celle de Christian Grataloup, on a énormément rêvé et peut-être que Jules Verne a contribué à nous faire choisir la géographie comme discipline, de même qu'un autre géographe, si on peut dire, qui est Hergé, qui nous a fait beaucoup, beaucoup rêver avec Tintin, qui est une bande dessinée éminemment géographique. Alors géopolitique aussi, il y a toutes sortes d'aspects, mais tout ça a contribué à populariser le savoir géographique et tous les récits d'exploration que nous avons lus avec délice, moins maintenant, mais encore que le succès de Sylvain Tesson, qui est un géographe de formation, hein, qui a fait des études de géographie dans l'enseignement supérieur, qui est devenu évidemment un écrivain, mais il fait rêver. Jean-Christophe Ruffin, qui n'est pas du tout un géographe, qui n'a pas fait d'études de géographie, mais quand il décrit, ou Éric Orsenna, qui est un membre, tous les deux sont membres éminents de la Société de Géographie, et très fiers d'en faire partie, font rêver par leurs récits de voyage, qui n'ont pas la même coloration. Ruffin est plus léger, et Orsenna, quand il rentre dans le détail de la production du coton, ou dans le détail de la géographie des moustiques, a l'air plus sérieux, mais en même temps, il est comme la plume est légère, comme il y a des faits réels et je pense que nous, géographes universitaires, nous devons nous appuyer sur des faits. On ne peut pas faire rêver uniquement avec des concepts. On amène les gens aux concepts à partir de faits réels. Tiens, regardez ici, c'est blanc, là c'est jaune. Et pourquoi ? Et alors, à ce moment-là, on peut rentrer dans une démarche plus conceptuelle. Et c'est ça que nous devons réapprendre de nos amis écrivains ou de nos ancêtres du 19e et du début du 20e siècle qui, eux, savaient faire rêver leurs contemporains. Faire rêver, c'est toujours important hein, quand on parle de ces disciplines. Et bien justement, Christian Grataloup, quand nous évoquons la notion de discipline, et la géographie à l'université a depuis 1903, c'est Vidal de la Blache. C'est assez récent, donc 1903. La Société de Géographie contribue largement à l'autonomisation de la géographie en tant que telle. Mais c'est long, hein, parce que 1821, la société de géographie, 1903, la géographie qui rentre à l'université. Oui, c'est long de devenir une institution, mais c'est quelque chose qui s'est créé sur la demande publique, hein, la demande sociale, comme on dirait aujourd'hui. Et effectivement, le roman, le récit de voyage qui font rêver, qui appellent à l'ailleurs, qui donnent à voyager, ne serait-ce qu'en restant lisant, c'est quelque chose qui a fini par devenir une institution avec les inconvénients du risque de formalisme et peut-être d'ennui parfois scolaire que cela peut impliquer. Mais de manière générale, la société de géographie et la discipline géographie en général ont eu un premier défi qui s'est produit, on pourrait fixer la date de 1911, c'est-à-dire le moment où, quand Amundsen est arrivé au pôle sud, eh bien, les blancs de la carte n'existaient plus. Alors, c'est pas tout à fait vrai, bien sûr, il y avait encore plein de petits blancs, et puis il y a le fond des mers, mais malgré tout, il y avait quelque chose qui, dans la découverte du monde, était achevé. Puis il y a eu un deuxième défi, comme le reportage de tout à l'heure le montrait en 1961, qui est lié à la décolonisation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la vision européenne du monde et la maîtrise européenne sur le monde s'estompaient ou disparaissaient, eh bien, quelque chose auquel était liée la géographie nécessitait d'être réinventé. Et c'est bien le défi de la discipline et de la société de géographie en particulier, qui est de montrer que le regard sur le monde, c'est absolument essentiel, à la fois parce que c'est le décloisonnement, et je crois qu'aujourd'hui, parler de décloisonnement, c'est vraiment essentiel, c'est important, donc voir ailleurs et voir l'autre. Et puis, voir ailleurs et entendre ailleurs. Ça, c'est compliqué. Voir et entendre. Dieu nous a créés pour contempler l'univers. France Culture. C'est pourquoi il nous a donné des yeux comme ornement et comme instrument. Le cours de l'histoire. Et c'est pourquoi aussi nous ne pouvions rester immobiles au centre de la création, comme dans une prison. Xavier Mauduit. Nous voyageons dans l'univers grâce au mouvement annuel de la Terre pour pouvoir l'admirer sous tous ses angles et en prendre la mesure. L'œil de l'astronome et la société de géographie pour diffuser, vulgariser le savoir géographique avec tous ces explorateurs sur la route et sans cesse sur la route. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. Well, I'm so tired of crying, but I'm out on the road again. I ain't got nobody just to call my special friend. You know the first time I traveled out in the rain and snow, rain and snow. You know the first time I traveled out in the rain and snow, in the rain and snow. Oh, I didn't have no payroll, not even no place to go. Dear mother left me where On the road again, Cathy Melua dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, le cours de l'histoire qui s'intéresse à la société de géographie fondée en 1821, diffusée, vulgarisée le savoir géographique. Cette société de géographie, pour nous en parler, son président Jean-Robert Pitt. Nous parlons de société de géographie, nous avons évoqué le rôle de la géographie en politique en parlant notamment du lien entre la géographie et la colonisation. Mais on pourrait changer d'échelle et même parler du pays. Maîtriser le pays, c'est aussi faire de la géographie. Et ça, c'est quelque chose qui est une évidence bien avant la création de cette société de géographie. Ouais. C'est un certain nombre de décideurs importants de la vie politique, de la vie économique, d'ingénieurs ont fait partie de la société de géographie, ont non seulement contribué à mieux connaître le monde, mais aussi à le transformer. On a parlé tout à l'heure de Ferdinand de Lesseps, Dieu sait s'il a joué un rôle dans la transformation. Il a pris ses ciseaux et fabriqué de la géographie, si je puis dire, en permettant la construction de ces canaux, canal de Suez et canal de Panama. Donc, je voudrais dire un mot sur les dernières décennies de la société de géographie, où la géographie universitaire s'est beaucoup développée. Il y a énormément d'enseignants et de chercheurs en géographie maintenant. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que les géographes, par rapport à d'autres disciplines, la géographie est souvent rattachée à l'ensemble des humanités, des sciences humaines, mais qui ont parfois des difficultés à réfléchir aux débouchés professionnels de leurs étudiants. Les géographes, et depuis, je dirais, le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et dans toute la France et à l'étranger aussi, ont réfléchi à l'insertion professionnelle de leurs étudiants dans le domaine de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Et par exemple, mes prédécesseurs immédiats, Jean Bastier et avant Jacqueline Bouge-Garnier, qui sont des géographes que moi j'ai eus comme professeurs et qui sont mes prédécesseurs présidents de la société, ont fait énormément, et toute cette génération, ils étaient à Paris tous les deux, mais il y a en province des noms qu'on peut citer, comme Friponneau, comme Dugrand, comme Juillard en Alsace, etc., ont participer à la planification territoriale, à la politique d'aménagement du territoire des régions, de la France. Le schéma directeur de Paris, avec ses villes nouvelles, etc., des années 60, a été pensé par des géographes, entre autres par mes prédécesseurs, Jacqueline Bouge-Garnier et Jean Bastier, qui étaient proches des préfets de l'Ouvrier, de Doublet, les préfets de Paris et d'Île-de-France, et du général de Gaulle, qui leur faisait confiance. L'ADATAR, bon, on peut critiquer l'action de l'ADATAR, et je le fais volontiers, mais derrière l'œuvre de l'ADATAR, il y a les géographes, peut-être pas assez d'ailleurs, parce qu'un certain nombre d'erreurs n'auraient pas été commises s'il y avait eu davantage de géographes et de prise en compte de toutes les réalités, en particulier du territoire, qui en France est très inégal. Il y a des zones très urbanisées où se concentrent toutes les activités, et puis il y a le grand désert. Et on n'arrive pas à s'en sortir. On a beau avoir un ministre aujourd'hui du développement territorial, une dame qui fait tout ce qu'elle peut, Madame Gouraud, mais c'est très très très difficile de pousser l'État à s'intéresser à ces grands vides qui sont si nombreux en France, où il y a 10 habitants au kilomètre carré. Et la connaissance géographique, qui devrait être normale et approfondie pour tous les décideurs politiques, je regrette, l'ENA disparaît, mais de toute façon, on n'enseignait pas la géographie. Donc j'espère que dans les nouvelles écoles ou nouvelles formations qu'on va mettre sur pied pour les fonctionnaires, on enseignera la géographie. C'est indispensable. À HEC, on doit faire de la géographie. À l'ESSEC, on doit faire de la géographie. À Sciences Po, on en fait un tout petit peu, on doit en faire beaucoup plus. C'est indispensable. Géographie et politique, Christian Grataloup, justement, dans cette évidence dont nous parle Jean-Robert Pitt, de l'utilité de la géographie dans la vie publique, et je ne veux pas dire politique pour pas qu'il y ait confusion avec ce mot de politique, mais dans la vie publique, à quel moment nous avons cette bascule, cette prise de conscience entre la géographie qui va vers l'exploration, la découverte du monde, la cartographie, et puis cette géographie qui devient un outil utile pour construire la vie? Il y a d'abord un moment qu'on considère habituellement comme fondateur, même s'il y a des prémices, c'est l'après-guerre de 1870-71, où on a considéré que la défaite était en partie due au déficit de connaissances géographiques des Français sur leur propre territoire, sur la lecture des cartes. Donc on a mis beaucoup de géographie à l'école avec l'intention d'en faire une géographie très environnementale, de connaissance du milieu, d'excursion, etc. Donc cet élément va continuer, mais malheureusement, c'est vrai qu'il reste un petit peu formel pendant très longtemps, et que l'aspect concret, pratique que Jean-Robert Pitt a développé n'est pas forcément celui qui se passe entre ce qu'on raconte à l'école et ce que vont pratiquer des gens, ce qui fait que le mot géographie n'est pas appliqué quand les gens font de la géographie. Quand ils font de l'aménagement, quand ils organisent des voyages, etc., on ne pense pas que c'est de la géographie. Donc c'est vrai que cette bascule, aujourd'hui, elle est absolument essentielle parce que, d'une part, on a tendance à s'intéresser de plus en plus à la gestion de la planète, c'est une évidence sur laquelle pas la peine d'assister, mais il faut évidemment ne jamais l'oublier. Et surtout, on n'est plus dans un moment où on pense en termes de progrès, d'une évolution qui serait la même pour tous, un peu linéaire, où on parle de sous-développement puis de développement, et on parle d'une diversité du monde. Il y a un fait qui me frappe beaucoup, c'est qu'on dit Nord-Sud, au lieu de dire, pour dire pays riches et pays pauvres, au lieu de dire développé, sous-développé, comme on disait il y a 40 ans. C'est plus le processus qui est le même pour tout le monde, comme par exemple la transition démographique pouvait l'évoquer, mais qui est au contraire un processus différencié. Et ça, c'est de la géographie, parce que ça, c'est la diversité du monde, la variation de ce que l'autre et nous on fait, on voit, on considère, et qui nécessite ce dialogue. Or, dialoguer, justement, je crois que c'est au cœur de la géographie. Dialoguer, c'est au cœur de la géographie. Et justement, dans la mise en place de la Société de géographie en 1821, il y avait cette volonté, je reprends les mots, l'anéantissement de toutes les haines et de toutes les rivalités nationales, l'amélioration des destinées de l'espèce humaine. Jean-Robert Pitt, il y a aussi quelque chose d'extrêmement humaniste dans la mise en place de cette Société de géographie en 1821. Ô combien, je vais rappeler un titre qui a fait très célèbre d'un livre de 1976, je crois, d'Yves Lacoste, qui s'appelle « La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre ». Il voulait dire que la géographie s'est bâtie en partie sur la demande des militaires. Donc c'est ça qu'il voulait dire. Évidemment, il est totalement convaincu, il l'a dit bien des fois depuis, et nous tous, géographes, on est convaincus que la géographie, ça sert d'abord à faire la paix, et dit à l'envers, l'ignorance géographique est une arme de destruction massive. Parce que un slogan qu'on a utilisé souvent pour le Festival international de géographie qui a lieu tous les ans à Saint-Dié-des-Vosges en octobre, qui aura lieu très, très bientôt. Et je pense qu'effectivement, quand on connaît, tout à l'heure, Christian Grataloup a utilisé les mots qu'on utilise beaucoup, nous géographes, l'autre et l'ailleurs, la connaissance de l'autre et de l'ailleurs, quand on rentre en profondeur dans la connaissance de l'autre et de l'ailleurs, on a moins envie de faire la guerre, parce que on comprend les différences. Et on voit bien que les pays qui sont en guerre civile sont souvent, malheureusement, des pays où l'analphabétisme est très développé. On voit bien en Afrique ou au Proche-Orient, ce qui se passe en Afghanistan, c'est quand même cet enfermement des tribus les unes sur les autres et sur des faux savoirs ou sur des fausses idées religieuses, sur des conceptions religieuses qui ne correspondent pas même à la tradition de l'islam. Montre une ignorance qui est fatale. Donc éduquer, vous connaissez, pardon de sauter du coq à l'âne, mais il y a cette phrase de Damadou Ampateba qui dit pour l'Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Donc moi j'ai toujours dit, laissons les vieillards mourir en paix, construisons des bibliothèques, apprenons aux enfants à lire, à écrire, à comprendre le monde, aux filles en particulier, parce que le déficit d'éducation des filles qui après deviennent des mères, qui éduquent leurs enfants, est catastrophique dans les pays du Sud, comme disait Christian Grataloup. Comprendre le monde et comprendre l'histoire, comprendre aussi le passé, hein, Christian Grataloup, c'est un peu votre boulot, j'ai envie de dire, avec vos atlas historiques, l'atlas historique de la France, l'invention des continents et des océans aussi, quand vous écrivez cet ouvrage-là, c'est comprendre le monde, mais avec les atlas historiques, c'est comprendre le passé. Le passé et la durée, qui peut toujours être présente également, c'est de situer du temps dans l'espace et de l'espace dans du temps. C'est le fait que je crois que les séparer, ce que fait un peu trop finalement le fait d'avoir de l'histoire et de la géographie qui sont distinctes. Donc j'aime bien le terme de géo-histoire pour ça, que je dois broder, hein, bien sûr. C'est très important de pouvoir mettre en commun. C'est quelque chose qui fait qu'on fait de la géographie aussi bien quand on étudie la carte de l'Empire romain que si on prend la géopolitique contemporaine. C'est comprendre les positions, les organisations, et puis justement, c'est tout ce qu'on a évoqué, le fait qu'il y avait un nous romain et un ailleurs qui se regardaient, s'opposaient, et que, comme Jean-Robert Pitt l'a dit, bah, effectivement, le comprendre, c'est souvent déjà construire la paix. déjà construire la paix en comprenant le passé qui est toujours présent. Nous vivons, j'ai envie de dire, avec notre passé. C'est la géohistoire, Christian Grataloup, Jean-Robert Pitt. Dans les missions de la Société de géographie, il y a aussi cette vulgarisation des savoirs qui nous tient tous à cœur, hein, de faire passer simplement le savoir, mais le savoir plaisir aussi. Il y a du plaisir, il faut le rappeler sans cesse. Mais ça devrait aller de soi. Christian Grataloup et moi venons de terminer notre carrière universitaire, donc on a enseigné toute notre vie. On sait bien que si on n'arrive pas à passionner nos étudiants, à les faire rêver, par conséquent, à évoquer de temps en temps des faits pour les surprendre, des faits réels, mais pour les surprendre et leur dire « Ah bon, ça vous surprend, mais voilà ce qu'il y a derrière. Regardez, on va vous expliquer. » Et on voit bien l'émerveillement, alors en particulier quand on fait des voyages d'études, des excursions avec nos étudiants, qui est un exercice favori des vrais géographes universitaires, qui est d'emmener un bus entier d'étudiants à la découverte du monde. Moi, je bourlinguais dans le monde entier, dans la France entière, avec des étudiants, dans les vignobles aussi, qui est un sujet qui me tient à cœur, et l'émerveillement d'étudiants qui pourtant sont blasés de tout en apparence, ils ont accès à toute l'information, mais quand on leur tient un discours à peu près construit pour leur dire ben, « regardez ça, ça vous semble banal, parce que ça vous dirait une photo, un paysage, ben, regardez derrière ce qu'il y a, essayez de comprendre ». Et là, on les voit un peu comme des gamins au zoo, s'émerveiller, alors qu'ils ont 25 ans, qu'ils sont blasés de beaucoup de choses. On peut arriver à les faire rêver. Si on ne le fait pas, la géographie disparaîtra. Les historiens, vous avez un peu plus de chance parce que le passé est définitivement révolu. On ne peut pas revenir sur le passé et la machine à remonter le temps n'existe pas encore. Donc, vous avez besoin du verbe et de la plume, d'une plume buissonnière et élégante pour arriver à faire rêver et dire ben, « on va vous transporter au XVIIe siècle, on va vous transporter au Ve siècle avant Jésus-Christ ». Et les gens sont, avec les bons historiens, il y en a qui passent à la télévision et qui arrivent même sans papier à tenir un discours. Rappelez-vous le quand Duby ou Favier faisaient des émissions de télévision qui duraient une heure sans papier, juste leur tête devant l'écran, et les gens étaient bouche bée, parce qu'ils évoquaient des choses définitivement révolues, mais réelles, et fondées sur des documents. Donc cette vulgarisation et cette capacité à faire rêver est formidable. C'est pour ça que un de nos maîtres, je pense que Christian Grataloup ne me contredira pas, c'est Julien Gracq qui nous a fait rêver, c'était un vrai géographe. C'était un vrai géographe, Julien Gracq. C'est prof. Prof. C'est ça qui est formidable. Hein. C'est ce lien, cette discussion sans cesse entre les disciplines, l'histoire, la géographie, évidemment, la littérature aussi, les récits de voyage. Quel plaisir. Et la bande dessinée. Hein. Alors, je vais dire étonnamment, mais pas du tout étonnamment, parce que c'est un média à part entière, l'incroyable histoire de la géographie que vous publiez, Jean-Robert Pitt, aux Arènes. Synthétiser la géographie en bande dessinée, c'est un plaisir. Merci à vous deux, Jean-Robert Pitt, Christian Grataloup, de nous avoir parlé de géographie, de l'autonomisation de cette discipline et puis de la Société de géographie dans le cours de l'histoire. Une émission préparée par Marion Dupointe, Tosiane Vudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Maïwenn Guizio, à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.